Les mathématiques toc, les mathématriques troc, les mathématrucs choc, les mathématiques tu vu, c'est fini, je ne compte plus. Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Les technologies de l'intelligence artificielle ont fait un bond considérable depuis 2010. Mais l'histoire de l'intelligence artificielle est très longue. Pendant des siècles, elle se confond avec celle de la mathématique. Les plus anciens algorithmes ont plusieurs milliers d'années. Puis il a fallu la créativité de nombreux mathématiciens avant d'arriver à l'ère des grandes bases de données que l'on connaît aujourd'hui. C'est Cédric Villani qui va vous raconter cette histoire. Cédric Villani est le plus célèbre de nos mathématiciens. Il a été lauréat de la médaille Fields en 2010. Il est aujourd'hui professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et il est membre de l'Académie des sciences. De grands mathématiciens, dont Alan Turing dans les années 40-50, sont à l'origine des ordinateurs, mais on peut dire que le début de cette histoire remonte aux Mésopotamiens. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Les mathématiques, ou la mathématique, comme j'aime bien employer le singulier, c'est une longue histoire. On peut considérer que ça commence dans une forme sophistiquée dans la Mésopotamie antique, en même temps que la naissance de la civilisation, de l'urbanisme et de ce que vous voulez. Et on a retrouvé des tablettes mésopotamiennes qui attestent de connaissances algorithmiques développées, de calculs sophistiqués. Ça se développe, ça prend un tournant tout à fait particulier et fondateur avec la Grèce antique. Et cette idée que la mathématique, c'est pas seulement une discipline qui vous donne des solutions à des problèmes compliqués, c'est pas seulement une méthode de calcul sophistiqué, c'est aussi un travail sur le raisonnement, un travail sur la logique. Et c'est de cette époque grecque que nous vient cette idée que les mathématiques, c'est la science du raisonnement, la science de la vérité, au sens où on déduit des vérités éternelles à partir de choses que l'on admet. C'est une science qui procède par déduction logique à partir des postulats. Et c'est pas seulement une discipline utilitaire, c'est aussi une partie de la philosophie, c'est ce que les Grecs nous enseignent. C'est aussi un art qui consiste à rechercher des correspondances dans l'univers qui nous entoure, à rechercher des modélisations, des explications, à quantifier les choses, à traduire en nombre, selon l'idéal pythagoricien, les phénomènes, les événements. Bon. Ça, ce sont pour les principes généraux. Et c'est une discipline qui se construit à la fois motivée par la curiosité interne et par les applications et le besoin de résoudre des problèmes. Après, comme il y a plein de façons d'organiser ces questions et plein de problèmes à résoudre, la mathématique s'organise au cours des siècles selon des branches différentes. Et c'est très varié. Il ne faut pas croire que les mathématiciens sont interchangeables. Au contraire, ils sont très spécialisés. Et un mathématicien donné, professionnel, si compétent soit-il, si impressionnant soit-il, il ne maîtrisera que quelques pourcents de l'ensemble des concepts mathématiques et de l'ensemble de la recherche mathématique. Il se spécialise, en revanche, dans certaines grandes disciplines qui, encore aujourd'hui, constituent le cœur d'un enseignement de mathématiques. Et ces grandes disciplines, certaines sont très anciennes. Les plus anciennes sont certainement l'arithmétique et la géométrie. Et au fur et à mesure, on voit arriver d'autres branches. Ça vient au cours des siècles, arrive en particulier l'analyse moderne à partir du XVIIe siècle. On commence à s'intéresser aux variations, aux pentes, et où c'est la naissance des équations différentielles qui permettront de mettre en mathématiques la physique. Après les travaux précurseurs de Galilée et de ses contemporains, c'est la grande époque des Newton, Leibniz, Huygens et les autres qui peuvent mettre en équation des phénomènes physiques extrêmement variés. Arrive aussi au XVIIe siècle la théorie des probabilités qui montre que même le hasard est régi par des lois. l'algèbre, l'analyse, la géométrie, la probabilité, la combinatoire, la théorie des nombres, la logique, voilà. Un petit nombre de grandes branches qui orientent la discipline et la réflexion mathématique. XVIIe siècle, la discipline s'enrichit de nouveaux outils extraordinaires. XVIIIe siècle, un foisonnement, un développement extraordinaire. Les équations et dérivées partielles, la naissance de la mécanique des fluides, des géants mathématiques comme Euler, comme les Bernoulli. Un foisonnement d'applications, une époque d'ailleurs où les Français sont une nation extraordinairement présente sur la scène mathématique. Et beaucoup de nouvelles méthodes, c'est l'époque aussi où on s'occupe de mesurer la Terre avec une précision extraordinaire, beaucoup d'industries sont révolutionnées par l'usage d'outils mathématiques, où on retrouve aussi la mathématique dans des outils d'administration pour repérer le territoire français, faire des cartes très précises, par exemple, tout ce que vous voulez. Et puis, au 19e siècle, ça continue à s'approfondir, mais il y a un travail sur les fondamentaux où on revient sur les bases. On a toutes sortes d'outils nouveaux, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est avancé dans telle direction? Et qu'est-ce que c'est les concepts sur lesquels on travaille? Prenons l'une de ces questions qui est en apparence anodine, un nombre. 1730, 31, 32, 3. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Alors, il y a les nombres qu'on appelle les nombres entiers. Tout le monde s'accorde sur leur existence et leur signification. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Même si on pourrait se demander exactement ce que c'est. Il y a des auteurs qui, au 19e siècle, ont dit, voilà, les nombres entiers, c'est ça qui nous a été donné. C'est comme si Dieu ou l'univers nous avait donné les nombres entiers. Et tout ce qui vient après, c'est nous qui les avons fabriqués. Et ce qui vient après, ça a été les fractions. Par exemple, 3 cinquièmes, d'accord. Les nombres, ça peut aussi être des solutions d'équations. Par exemple, un nombre dont le carré est égal à 7, on va l'appeler racine carrée de 7. Un nombre, ça peut aussi être défini par une propriété géométrique. Par exemple, le tour d'un cercle de rayon 1, on va dire que c'est égal à 2π. Et ce nombre π, c'est un nombre qui ne sera ni rationnel, ni solution d'une équation avec des puissances, d'une équation algébrique. Il faudra en fait assez longtemps, une des avancées majeures du 19e siècle, pour qu'on montre que c'est un nombre transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est solution d'aucune équation polynomiale. On voit qu'au fur et à mesure, on a ainsi augmenté la quantité de nombres qu'on s'autorise, et un nombre réel, de façon intuitive, c'est un nombre entier, une virgule et une infinité de chiffres après la virgule. Tout ça, c'est le genre de question un peu existentielle qu'on se pose au 19e siècle sur, finalement, on emploie ces concepts mathématiques, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire réellement? Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, se pose l'une de ces crises existentielles parmi les plus étonnantes, une crise sur la logique. Et elle se manifeste de façon extrêmement forte quand, au tournant du siècle, on découvre une sorte de contradiction majeure en mathématiques. Cette contradiction, elle est apparentée au paradoxe dit du menteur ou le paradoxe du barbier. Si on admet que le barbier dans le village rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, est-ce qu'il se rase lui-même ou est-ce qu'il ne se rase pas ? S'il se rase lui-même, alors il doit se raser. S'il se rase, alors il ne doit pas se raser. Il y a une contradiction logique. La même contradiction logique que vous avez quand un interlocuteur vous dit « je mens tout le temps ». S'il dit « je mens tout le temps », quand il vous dit ça, est-ce qu'il ment ? S'il ment quand il vous dit ça, ça veut dire qu'il dit la vérité ou voilà, je suis en train de mentir, par exemple, c'est quelque chose qui est auto-contradictoire. Si c'est vrai, alors c'est faux, et si c'est faux, alors c'est vrai. Bon. En termes logiques, il y a une façon très simple de représenter ça dans le langage de la théorie des ensembles, c'est l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Si cet ensemble s'appartient à lui-même, alors il ne peut pas s'appartenir à lui-même de par sa définition, et vice-versa, s'il ne s'appartient pas, alors sa définition fait qu'il doit s'appartenir à lui-même. Il y a une contradiction. Qu'est-ce que vous faites de ça? Le paradoxe semble irréfutable, il est simple, et il a été ravageur. Quand on a vu ça, on s'est dit, mais alors, Est-ce que toute la logique mathématique repose sur du vent et que depuis des millénaires, en fait, on est en train de construire sur une base qui est en sable? Et il a fallu, ça a été une grande bataille entre les partisans d'une logique forte, les partisans d'une attitude beaucoup plus décontractée, si je puis dire, par rapport à la logique, comme le grand mathématicien français Henri Poincaré, le dernier mathématicien universel, comme on disait, le dernier qui avait une vision d'ensemble sur tous les domaines. Et ce qui se passe, c'est que finalement, certains se lance dans l'aventure de réécrire la théorie des ensembles d'une façon qui ne prête pas le flanc au paradoxe. C'était des efforts héroïques, en particulier Russell et Whitehead se lancent dans une œuvre au titre emblématique, les Principia Mathematica, reprenant le titre de l'ouvrage de Newton, mais l'appliquant cette fois au fondement de la logique mathématique. Un ouvrage énorme que personne ne voudra publier, ils le publieront à compte d'auteur. Le premier volume, qui compte plusieurs centaines de pages, parvient jusqu'à démontrer, modulo certaines choses qui sont admises et remises à plus tard, parvient jusqu'à démontrer que 1 plus 1 égale 2. Le plus étonnant dans tout ce chambardement logique, ce travail de réflexion intérieure sur les fondations, le plus étonnant, c'est qu'il a eu des répercussions importantes sur l'avènement de ce qui peut être l'application la plus importante en pratique que nous a légué la mathématique, à savoir le développement de l'informatique. En 2008, les gens se croisaient dans les airs, au volant de coléoptères, supersoniques mais silencieux. En 2008, il y avait des immeubles mous qui se transformaient tout à coup au gré des climats capricieux. En 2008, les couleurs étaient incroyables, d'ailleurs elles étaient innommables, on en parlait comme des dieux. En 2008, se regarder au fond des yeux, c'était comme faire l'amour à deux. 2008, c'était comme ça, en 1978. En 1978, moi j'étais un petit garçon qui rêvait de 2008 comme le plus beau des horizons. Je nous voyais en 2008 avec nos têtes colorées en bleu ou en orangé selon ce qu'on aura mangé. En 2008, les couleurs seront incroyables, d'ailleurs elles seront innommables, il n'y aura pas d'autre dieu. Dans la rue, on s'embrasserait, ce serait comme si on se connaissait. 2008, c'était comme ça, en 1978. 1978, ce sera comme ça, en 2008. C'était Catherine avec son titre 78-2008, extrait de son album Robot après tout. Les aventuriers sur France Inter. 18 décembre 1966, première chaîne de télévision. André Lichnerowitz, professeur au Collège de France. Un mathématicien, c'est d'abord un monsieur qui passe sa vie, en employant le mot classique, à sécher. Vous avez les journées de 4 heures et les journées de 18, journées où vous n'arrivez plus à vous extraire de l'obsession mathématique et où, jour après jour, durant 3 ou 4 semaines, vous dormez, si j'ose dire, et vous déjeunez avec vos obsessions mathématiques. Le mathématicien n'ayant pas, contrairement à ce qu'on croit généralement, besoin même, dans la plus grande partie de son stade de recherche, ni du tableau noir, ni de la craie, ni du papier, ni du crayon, et pouvant travailler seul, en marchant, ou même, quelquefois, à travers la conversation avec un interlocuteur banal qui l'ennuie. André Lichnerowitz connaît bien son affaire. Il a été un membre très actif, très respecté de la communauté mathématique. Et dans ce petit extrait, Lichnerowitz insiste sur le travail au quotidien du mathématicien. Et ça correspond très bien au travail de recherche du mathématicien. Entre la crise des années 1900 à 1930 peut-être, et puis le développement de l'informatique dans, au milieu du XXe siècle, dans les années 1940-1950, arrive Alan Turing, figure tutélaire maintenant du lien entre mathématiques et informatique, et également pionnier de l'intelligence artificielle. Alan Turing, à la fois un pur produit de la société anglaise et un esprit très indépendant, souvent rebelle à l'occasion. Il était homosexuel et il ne s'en est pas caché quand il s'est retrouvé dans des ennuis judiciaires considérables. Et même avant, son audace, son anticonformisme se manifestait de façon forte. Un jeune qui est extrêmement sportif et passionné par les développements scientifiques, qui serait en explorateur des secrets du cerveau humain, qui s'intéresse à la nature, donc une forte tête. Et quand il se lance dans la carrière scientifique, il le fait avec toutes les grandes préoccupations de son temps. Passionné par la physique quantique, passionné par la logique, passionné par le développement de la chimie, de la physique. Et il va se retrouver à faire un travail sur les fondamentaux, en se posant une question, est-ce qu'on peut déterminer ce qu'on va savoir ou pas? Je vous donne une question mathématique. Et est-ce qu'il y a, par exemple, une procédure qui permettrait de dire, voilà un énoncé mathématique qui est démontrable ou réfutable? Et Turing va montrer qu'il n'y en a pas. C'est pour les besoins de cette démonstration qu'Alan Turing introduit sa fameuse machine de Turing, un modèle abstrait de n'importe quelle construction informatique, une machine toute simple qui peut seulement lire une bande de chiffres, écrire un 0 ou écrire un 1, ou aller à gauche ou aller à droite, enfin qui sait quoi. Et Turing montre que n'importe quelle procédure algorithmique, si complexe soit-elle, on peut la réduire à un ensemble très simple d'opérations qui constitue, pour ainsi dire, un modèle universel. Qu'on s'entende bien, quand on dit « machine de Turing », c'est pas une vraie machine. Avant tout, c'est une machine théorique que Turing introduit là, qui lui permet de faire des raisonnements. Nous sommes là dans un travail de jeunesse et un travail très important parce qu'il va être l'un des deux piliers sur lesquels la pensée de Turing va s'appuyer. Premier pilier, le pilier logique. Deuxième pilier, c'est la guerre qui va lui fournir. 14 janvier 2012, France Culture, lecture d'une lettre d'Alan Turing dans Une vie, une œuvre. Tu m'as souvent posé des questions sur les applications possibles des différentes branches des mathématiques. Je viens de découvrir une application de ce sur quoi je travaille en ce moment. Cela répond à la question « Quel est le type de code secret le plus général ?» et me permet en même temps de construire, de façon plutôt naturelle, de nombreux codes particuliers et intéressants. L'un d'entre eux est quasiment impossible à décoder sans la clé et très rapide à mettre en œuvre. Je pense que je pourrais le vendre au gouvernement pour une bonne somme, mais je ne suis pas convaincu de la moralité de ces choses. Qu'en penses-tu, Alan ? Alan Turing, dans cette lettre, parle d'application. On voit qu'il parle du travail pour le gouvernement, et on voit aussi qu'il se pose la question de la moralité. Sa lettre montre bien aussi le côté toujours un peu distant, un peu ironique qu'il met dans ses actions. Turing va être recruté pour un programme d'importance majeure Pour la Seconde Guerre mondiale, le programme dit Ultra, qui avait pour but de décoder les fameux codes secrets allemands, avec une machine de codage automatique Enigma qui posait un défi considérable aux cryptanalystes par la grande complexité qu'elle apportait. Et ce programme a joué un rôle décisif, majeur. Certains historiens estiment que ça a permis de raccourcir la guerre de 1 à 2 années. Churchill lui-même disait que ça avait été une des raisons décisives du succès, ce programme mathématique extrêmement varié pour lequel les Anglais avaient monté une équipe extrêmement pluridisciplinaire. Aux côtés d'Alan Turing, dans cette équipe britannique ultra secrète, on trouvait aussi des cruciverbistes, des experts de toutes sortes de spécialités. Il ne faut pas croire que l'informatique, c'est la continuation de ce programme qui est fait pendant la guerre. Dans la pensée d'Alan Turing, sont bien les deux piliers, le premier pilier théorique sur la logique et le second pilier sur la mécanisation, sur le fait de devoir travailler vite. C'est là, ce sont ces deux piliers qui permettent d'aboutir au projet dans lequel il va se retrouver, la conception d'un ordinateur moderne. Projet sur lequel il va travailler après-guerre à Manchester dans une équipe qui est certainement la plus en pointe. Et ce qui se développe donc, en tout cas dans le début de l'après-guerre, c'est cette idée qu'on peut mettre la logique mathématique en circuit électronique et ainsi, avec différents procédés de programmation, arriver à mécaniser n'importe quel théorème, n'importe quel problème, n'importe quel algorithme, n'importe quelle procédure mathématique. Et cette réflexion, ce démarrage, ce passage du monde abstrait au monde électronique mécanisé, il a quelques pères fondateurs. Alan Turing en Grande-Bretagne et côté américain John von Neumann et Claude Shannon qui est un peu l'alter ego américain d'Alan Turing. Ces trois-là avaient la double compétence mathématique et ingénierie. Ces trois-là étaient aussi passionnés par ce qu'on appellera plus tard intelligence artificielle, la possibilité de mettre en algorithme, en informatique, des procédures extrêmement malines et sophistiquées dont on aurait pu penser a priori qu'il fallait un humain pour les faire. Si l'on veut que l'esprit neuf de l'enfant devienne intelligent, il faut qu'il acquière à la fois de la discipline et de l'initiative. Jusqu'ici, nous n'avons traité que de la discipline. Mais la discipline ne suffit pas en elle-même à produire de l'intelligence. Ce qu'il faut en plus, nous l'appelons initiative. Cette phrase nous servira de définition. Notre tâche est de déterminer la nature de ce résidu chez les humains et d'essayer de le copier pour les machines. Une machine, a priori, elle a la discipline. Elle obéit exactement aux ordres qu'on lui donne. Mais si on veut qu'elle explore et qu'elle ait des réactions inattendues, il faut lui apprendre l'initiative. Une procédure d'essai et d'erreur avec des récompenses. Et ça va être l'un des enjeux majeurs du développement de l'intelligence artificielle. La faculté qu'ont les machines à trouver des solutions pour lesquelles elles n'ont pas été explicitement programmées. À l'époque de Turing, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, le mot a été introduit 2 ans après son décès, mais Turing nous a laissé à la fois certaines des recettes importantes, certaines des conceptions philosophiques aussi qui vont avec, et l'idée majeure selon laquelle, quand on s'intéresse au développement des machines pour nous servir sur des tâches sophistiquées, il ne s'agit pas de chercher à reproduire l'humain, sauf éventuellement pour le comprendre, il s'agit de se concentrer sur les tâches qu'on veut qu'elle accomplisse. Rai, interprète Count to Five, you're all out of place, my babe. Sur France Inter. It's written on your face. Bring your songs to me. Thank you. La mathématique et l'informatique tissent donc depuis longtemps des liens intimes. Le numérique a centuplé le pouvoir d'impact des mathématiques. Les algorithmes sont puissants. Pour Cédric Villani, même une recette de cuisine est un algorithme. L'informatique, c'est quoi ? L'informatique va s'intéresser au calcul et à la calculabilité, à se demander comment est-ce que je peux construire quelque chose, calculer quelque chose. Quelle est la recette ? Et l'informaticien va se poser la question de la complexité. Est-ce que c'est rapide à calculer ou est-ce que c'est lent ? Est-ce que je dois dépenser beaucoup d'efforts ? Et la notion centrale dans l'informatique, certainement, c'est celle d'algorithme et celle de complexité algorithmique. Combien d'opérations il va me falloir pour trouver la solution ? À quelle vitesse je peux réaliser un théorème mathématique ? Quelle est la fiabilité ? Quelle est la complexité ? Un algorithme, c'est quelque chose de très ancien. D'ailleurs, le mot est une déformation du nom du savant perse Al-Khwarizmi. Et un algorithme, c'est juste une recette. C'est une suite d'opérations. Quand on vous apprend l'addition à l'école primaire, quand on vous apprend à faire les additions, les multiplications, les divisions de façon propre et systématique, ce sont des algorithmes. Quand vous effectuez une recette de cuisine pas à pas jusqu'à arriver au résultat, c'est un algorithme. Donc il n'y a vraiment rien de sorcier dans un algorithme. Un algorithme, en revanche, ça peut être une très grande simplicité ou une complexité inouïe. Il y a des algorithmes qui sont au niveau du cours préparatoire et d'autres qui sont si complexes qu'aucun humain ne les maîtrise parce qu'ils sont développés par des équipes de plusieurs milliers de personnes dont chacun voit un bout. Il y a des algorithmes qui sont faits spécifiquement pour vérifier d'autres algorithmes. Il y a des algorithmes dont on pense qu'ils fonctionnent bien sans en avoir la certitude. Et il faut bien distinguer entre l'algorithme qui est un objet abstrait et son implémentation pratique en langage de programmation, par exemple, qu'on pourrait appeler un logiciel, qui est la suite d'opérations informatiques que vous utilisez pour commander un ordinateur, par exemple. Il peut y avoir des milliers de logiciels différents basés sur un même algorithme. L'informatique, si on veut, en un sens, c'est une science qui s'intéresse avant tout à la complexité des algorithmes et à la faisabilité de certaines opérations. À partir de là, on voit que l'informatique, ça peut être vu comme quelque chose qui, au départ, est une branche de la mathématique. Et au début, c'était ça, certainement. Et petit à petit, cette branche a pris son autonomie avec le développement d'une recherche en informatique, de chercheurs en informatique, de spécialistes d'informatique qui pourront ou pas être experts en mathématiques. Et même si ce sont deux disciplines extrêmement proches, elles prennent chacune un certain état d'esprit particulier. Et il y a toutes les nuances aussi d'informatique. Il y a de l'informatique très théorique qui va se rapprocher davantage de la mathématique, de l'informatique très appliquée qui se concentrera sur les façons d'écrire du code, comme on dit, d'écrire des algorithmes, quelles sont les bonnes pratiques. Parfois, ce sera purement universitaire comme motivation. Parfois, ce sera en liaison avec l'industrie et des allers-retours importants entre les deux. Et ces liens entre informatique et mathématique, ils se sont retrouvés exacerbés, encore plus sous le feu des projecteurs, à l'époque toute récente. D'une part parce que on a vu arriver un développement spectaculaire des moyens de l'informatique, avec la montée des performances des matériels, la constitution des grandes bases de données, l'arrivée de nouvelles possibilités algorithmiques réalisables en pratique. Et d'autre part, bien sûr, parce que ces algorithmes sont venus s'inviter partout dans la vie quotidienne, dans la vie pratique, à travers le développement de la révolution numérique et maintenant de ce qu'on appelle la révolution de l'intelligence artificielle. Novembre 2017, lemonde.fr, les algorithmes qui gèrent de plus en plus nos vies. Le mécanisme est simple. D'un côté, il y a vous, qui cherchez quelque chose. Par exemple, un corps de chasse, une voiture de seconde main, une chambre d'hôtel à la plage, un cours particulier de yoga, un nouvel ami ou un marcassin domestique. Enfin, peu importe, disons au hasard, une raquette de tennis d'occasion. De l'autre, il y a des gens qui cherchent à vendre des objets ou à offrir des services. Des arrosoirs, un meublé au bord de la mer, une place dans une voiture pour aller à Orléans, des repas à emporter, du dépannage électrique ou tout ce que l'on peut imaginer, disons au hasard, une raquette de tennis. Avant, pour vous mettre en contact, il fallait passer par un intermédiaire, un journal de petites annonces ou un magasin d'occasion. Aujourd'hui, l'intermédiaire a disparu. Ou plutôt, il s'est dématérialisé. Il n'est plus physique, c'est un programme informatique qui va analyser en temps réel toutes les données et chercher les meilleures options pour finalement vous mettre directement en relation. Ce texte nous décrit un algorithme d'appariement, ou un algorithme de matching comme on dirait, ou la problématique générale d'un algorithme d'appariement. J'ai été moi-même en tant que chercheur en mathématiques en contact avec le problème mathématique dit des mariages, qui joue un rôle dans le problème du transport optimal et qui se retrouve dans différentes incarnations. Par exemple, dans certains logiciels de covoiturage, vous avez d'un côté des conducteurs qui ont des trajets, de l'autre côté des utilisateurs qui veulent aller d'un endroit à un autre et vous voulez les mettre en contact. Toutes sortes de variantes en pratique peuvent se produire selon que ce qui est important pour vous, c'est le point de départ et le point d'arrivée, ou si c'est le trajet à telle heure. Certains modèles fonctionnent sur un mode autostop, d'autres sur un mode prévisionnel, certains à courte distance, certains à grande distance, et ainsi de suite. En pratique, dans ce genre de réalisation, ce qui est le plus complexe, ce n'est pas la partie algorithmique, c'est la partie modèle économique, modèle social, comprendre exactement quel est l'usage qui va faire adhérer les uns et les autres. Prenez un autre exemple d'algorithme d'appariement dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'était le logiciel APB pour l'admission post-bac. D'un côté des étudiants, de l'autre côté des places dans les formations, comment faire correspondre les uns aux autres. Le choix de l'algorithme est important. Dans le cadre de l'algorithme APB, c'est un algorithme célèbre qui avait été retenu et développé aux États-Unis exactement dans ce but et qui avait été conçu de façon à être aussi neutre que possible et à donner à ce que, par exemple, l'ordre des préférences des étudiants ne vienne pas influencer sur leur chance de se retrouver dans telle ou telle formation. Et l'analyse de la mise en œuvre de ces solutions, telles qu'on a pu l'étudier par exemple à l'Office parlementaire scientifique dans nos auditions, a bien montré que l'algorithme était OK, mais que la mise en œuvre comportait plein de problèmes. Et en majorité sur les questions d'interprétation, de gouvernance, la façon dont la loi avait été interprétée, la façon dont certaines consignes avaient été modifiées par rapport à ce que les programmeurs avaient préconisé. Dans la mise en œuvre des algorithmes, en général, ce qui est effrayant, c'est pas l'algorithme lui-même, c'est la façon dont les humains s'en emparent ou la façon dont les humains la mettent en œuvre. Et c'est toute une affaire, la façon dont l'interface entre la société humaine, avec ses contradictions, son organisation compliquée, et l'algorithme, avec sa rigueur mathématique. Et dans bien des sujets, ce qu'on attend comme révolution rendue possible par l'algorithmique de précision, c'est la possibilité de personnaliser les diagnostics, les prises de décision, les offres, les évolutions, et ainsi de suite. Pour un publicitaire, ce sera la possibilité d'offrir à quelqu'un une publicité qui va le faire réagir réellement. Pour quelqu'un qui souhaite faire de l'influence politique, ce sera la possibilité d'envoyer un message qui va influencer le récipiendaire exactement de la façon la plus efficace, en lui faisant peur si c'est ça qui sera efficace, ou en le confortant si c'est ça qui lui sera efficace. Je donne un exemple volontairement sujet à polémique pour bien vous montrer que l'algorithmique en soi n'est ni bonne ni mauvaise et que c'est l'usage qu'on en fait qui détermine si c'est éthique ou pas. C'est pas les algorithmes qu'il faut craindre en la matière, ce sont bien les humains. On retrouve le mathématicien Cédric Villani juste après Barbagallo avec l'offrande sur France Inter. En fin de compte, il n'y a pas eu de bruit. Aventurier sur France Inter. Beaucoup de fantasmes entourent les technologies de l'intelligence artificielle. Pour Cédric Villani, auteur du célèbre rapport sur l'intelligence artificielle qui a été remis en mars 2018, ce n'est pas la technologie en elle-même qui est dangereuse. 14 décembre 2015, Arte. Big Data, les algorithmes sont-ils les maîtres de notre futur ? C'est en Californie qu'est née l'analyse prédictive. Ici, à Santa Cruz, ces prédictions ne sont pas seulement théoriques. La police locale combat les crimes avant même qu'ils ne soient commis. Depuis juillet 2011, les policiers utilisent un logiciel appelé PredPol pour Predictive Policing. Sa mission ? Prédire la date et le lieu des crimes à venir. Nous allons surtout garder à l'œil le quartier de Harvey West, en particulier de nuit. Aussitôt que le soleil se couche, les criminels envahissent la zone. On le voit ici sur la carte près de Paul. Elle montre ce qui va se passer à Harvey West. Allez, on y va. Ce n'est plus le chef de la police qui décide où envoyer les patrouilles, mais un logiciel. La police prédictive est l'un des développements les plus spectaculaires de l'intelligence artificielle. C'est aussi l'un des plus controversés et l'un des exemples des dérives auxquelles peut mener l'algorithme. C'est un exemple qui a été analysé en détail dans le best-seller de Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction, armes de destruction massive mathématique, si l'on veut. Il y a un jeu de mots en anglais, bien sûr. Et en montrant combien l'usage de ces logiciels pouvait être problématique. D'abord, l'algorithme donne une impression d'objectivité et d'oracle qui peut faire qu'on s'appuie sur lui sans trop se poser de questions. Ensuite, il va naturellement incorporer des biais, reproduire ce que la société y a mis. Si nous savons que telle région est plus propice qu'une autre à de la délinquance, eh ben on va aller inspecter là-bas plus souvent, avec l'idée qu'on cherche ce qu'on trouve, on trouvera forcément quelque chose à reprocher ici et là, on maintiendra une pression qui contribuera aux inégalités certainement, peut-être que d'autres choses nous passeront sous le nez, et ainsi de suite. Et comme d'habitude, c'est pas dans l'algorithme qu'est le problème, ça peut être dans sa mise en œuvre, dans le crédit qu'on lui apporte, dans l'interaction qu'il y a avec la société. Avec l'intelligence artificielle reposant sur des exemples, comme le font des logiciels du type de PredPol, mais aussi beaucoup d'autres, il y a le risque de reproduire des biais. Aux États-Unis, ça a été analysé de façon spectaculaire sur les questions de remise en liberté conditionnelle, qui sont en partie décidées sur la base d'algorithmes prédictifs et dont on a pu montrer qu'elles étaient réellement injustes, au sens où elles étaient trop dures avec les prisonniers noirs, trop bienveillantes envers les prisonniers blancs, du moins statistiquement, et qui posent même des problèmes d'ordre philosophique ou humain. Est-ce qu'on accepte qu'une décision aussi importante soit confiée à un algorithme sans qu'il y ait une réelle responsabilité humaine qui s'engage là-dessus ? C'est tout ce genre de débat que nous allons avoir dans le futur en société et c'est un débat sur lequel les sociétés européennes se positionnent sur une approche très différente des sociétés américaines, avec beaucoup plus de méfiance et beaucoup plus d'appel à la protection, en particulier des droits des citoyens. C'est l'un des grands enjeux qui nous attend pour l'avenir et dans le rapport sur l'intelligence artificielle que j'ai coordonné, on a insisté là-dessus. Insistons aussi sur le fait qu'au niveau de la recherche, il reste énormément d'inconnus. Il ne faut pas voir l'algorithme comme une science dans laquelle on comprend réellement tout ce qui se passe, bien au contraire, et en particulier l'efficacité considérable, et certains diraient déraisonnable, des algorithmes actuels en intelligence artificielle, nous interroge pas seulement dans les usages pour la société, dans ce qu'on veut en faire, mais aussi dans les ressorts scientifiques de leur efficacité. On se retrouve face à une situation renversée par rapport au début de l'informatique. Au début de l'informatique, on a utilisé la technologie pour réaliser des choses qu'on maîtrisait théoriquement. J'ai parlé des équations différentielles tout à l'heure. Aujourd'hui, on se retrouve à réaliser pratiquement quelque chose dont on ne comprend pas les ressorts théoriques. Et cette question de l'analyse théorique des algorithmes d'intelligence artificielle, pourquoi et comment ils convergent de façon aussi rapide, est l'un des grands défis que l'informatique pose aux sciences mathématiques. Et ce sera certainement un enjeu de recherche majeur dans le futur. L'informatique est une science en perpétuelle évolution. Banque, assurance, santé, agriculture, aéronautique, tous les secteurs l'utilisent avec des exigences de plus en plus pointues. Pour faire de l'informatique de précision, il vous faut un certain nombre d'ingrédients. Des informaticiens. Les informaticiens français sont très prisés. On est sur des sujets où c'est un mélange de mathématiques, statistiques, informatique, physique, toutes disciplines dans lesquelles Alan Turing a d'ailleurs mis son nez. C'est ce mélange-là qui est recherché. Il vous faut aussi des algorithmes performants. Il vous faut aussi du matériel. Et là, il y a un sujet important. L'algorithmique de précision est grosse consommatrice d'énergie, de mémoire, de capacité de stockage, de capacité d'hébergement aussi. Il vous faut, si vous travaillez sur un modèle qui apprend par l'exemple, il vous faut de grandes bases d'exemples. Il y a une compétition mondiale aussi pour avoir ces grandes bases d'exemples. Peut-être des données personnelles comme les géants américains ont été si forts pour en rassembler. Ce peut être des données sectorielles, comme on dit, des données qui se retrouvent dans les archives des usines, qui se retrouvent dans les hôpitaux, qui se retrouvent dans les registres des gendarmeries. Et avec tout cela, vous avez la possibilité de développer des outils dans à peu près n'importe quel domaine. L'informatique de précision, c'est universel. Quel que soit le domaine auquel vous pensez, on pourra trouver une application, un cas d'usage, parfois important, où l'informatique de précision peut s'illustrer. 18 juillet 2017, France Inter. On ne s'en rend pas forcément compte, mais les algorithmes sont déjà partout. Quand on parle de télémédecine, par exemple, et de surveillance à distance des patients, ce qui se fait déjà pour un certain nombre de maladies chroniques, eh bien tout cela est possible grâce à des algorithmes relativement simples. Mais l'algorithme se sophistique et permet de faire des choses de plus en plus élaborées. Therapixel, par exemple, cette entreprise française travaille sur la mise au point d'un logiciel capable d'interpréter une mammographie. Son président, Olivier Klatz. Aujourd'hui, l'algorithme n'est pas capable d'avoir la sensibilité de l'œil humain. Demain, on pense que les algorithmes vont réussir à avoir cette sensibilité supérieure à l'œil humain. On pense qu'il y a une révolution qui est en train de se passer dans la détection et dans la caractérisation des anomalies qui peuvent être détectées dans l'image. On pense que l'horizon, c'est 2 ans pour arriver à ce niveau de performance sur un cas très particulier, celui de la mammographie. Un domaine dans lequel la réflexion est très avancée, c'est la santé. On est sur un sujet typique où l'informatique de précision peut être utile parce que la santé demande un très grand corpus de connaissances, la santé demande beaucoup d'interprétations, la santé est très multiparamètre et ça se personnalise beaucoup et il y a un grand intérêt à pouvoir anticiper et faire des prédictions. Maintenant, tout ce que j'ai dit est plus ou moins vrai aussi pour l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose de très personnalisé parce que des enfants n'apprennent pas au même rythme. Ça demande beaucoup d'expérience et de connaissances pour être un bon enseignant, une bonne enseignante. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais en éducation, nous sommes très loin du niveau de maturité qu'a atteint la santé. Et des expériences sont encore en cours et malheureusement pas assez pour trouver quels sont les outils algorithmiques, les bonnes façons de faire qui fonctionneront en éducation. Sur ce sujet, on se retrouve aussi face à un défi qui fait écho au texte d'Alan Turing qu'on entendait tout à l'heure. Alors que en santé, vous avez besoin de trouver la solution qui pile poil correspond à la situation, dans le domaine de l'éducation, vous n'avez pas envie de donner à l'élève pile poil ce qu'il sait ou s'il est capable de reconnaître. Il faut être capable de lui lancer un défi, de l'emmener sur un territoire qui est en dehors de sa zone de confiance, de le forcer à faire des efforts. Et alors que le patient, on veut complètement lui faciliter la vie, l'élève, on ne veut pas complètement lui faciliter la vie. On veut le forcer à faire des efforts. Et c'est beaucoup plus dur de modéliser, de traduire en algorithme cette volonté d'audace, d'exploration, de sortie de la zone de confort. On a parcouru un chemin considérable, aussi bien en tant que conceptuellement, entre le moment des premiers algorithmes qui faisaient partie du bagage mathématique des anciens babyloniens et l'ère de l'informatique de précision moderne, mais il y a des points communs. Un point commun qui est l'importance des procédures et de savoir comment on réalise tel et tel sujet. Ce sont des problèmes qui sont éminemment mathématiques, éminemment informatiques, selon l'angle par lequel on les approche. Et ça permet de rappeler que la mathématique, c'est très lointain au sens où c'est très abstrait, mais c'est en même temps très présent, c'est invisible et en même temps universel, c'est partout à la fois. Et on peut, comme le faisait Pythagore, penser que la mathématique, c'est partout parce qu'autour de nous, ce sont des phénomènes qu'on peut modéliser mathématiquement et dont on peut trouver les ressorts profonds en mathématiques. Ou on peut dire de nos jours que la mathématique, c'est partout parce que les ressorts mathématiques se retrouvent partout, dans l'algorithmique et dans l'informatique, et dans les outils créés par les humains pour se simplifier la vie, pour être plus performant ou pour réorganiser les offres, les biens, les actions, la société de façon générale. Cédric Villani est l'auteur de nombreux ouvrages destinés aux spécialistes mais aussi au grand public. Théorème vivant, paru chez Grasset, est probablement son plus grand succès. Il y raconte ses recherches. Vous pouvez aussi retrouver Cédric Villani dans « Les grandes épopées qui ont fait la science ». Ce livre est paru chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Cette émission est podcastable sur le site de France Inter, comme toutes celles de l'été, celles de la semaine dernière, et toutes celles qui sont à venir sont à votre disposition dès maintenant. Clément Baudet réalise Les Aventuriers, Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, Rémi Sistiga et Raphaël Rousseau. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Demain, Jean-Claude Audin, chercheur en intelligence artificielle, nous racontera une histoire plus technique de ce que l'on appelle désormais l'IA.